Alors, on a avec nous Angélique Kounbati, alors moi, je Rosine Mbaka, avec le film Les deux visages d'une femme parmi les quais, qui a été présenté hier soir, mais à Saint-Saturnin. Est-ce qu'il y, a des, y en a parmi vous qui l'ont vu? Oui. Moi, d'accord. Donc, ça avait évidemment moins de monde que s'il avait été passé. Et puis, on a Daoud Aolatiab, dont on a vu hier soir Les voix du désert. Donc, on commence toujours par le court-métrage, non pas pour le considérer que c'est binaire, mais au contraire, pour qu'il ait tout de même de la place d'entrée, quoi, et qu'il ne soit pas résiduel, si je peux me permettre. Parce que j'imagine que vous avez l'habitude de situations encore que le court-métrage n'est pas... Ah oui, oui, non, mais moi, je m'appelle de tout, il n'y a pas de problème. Non, mais c'était... c'est bon, voilà, faisons comme ça. Alors, Régis, qu'est-ce qu'il y a vu le court-métrage hier soir? Ah ben voilà, là il y a des interventions. Régis est un ancien élève de la FEMIS, de la section réalisateur. Il a fait trois court-métrages ou quatre court-métrages personnels et des... Alors, moi j'ai fait trois courts-métrages après la FEMIS, donc plus mon court-métrage de fin d'études, ça en fait quatre. En fait. Sans compter ceux que j'ai fait pendant que j'étais à l'école. D'accord. Et les co-réalisations? Non, juste j'ai co-scénarisé deux courts-métrages qui se passaient au Burkina Faso. J'ai un réalisateur de la FEMIS aussi au Burkina Faso. Ouais. Et sinon, je travaille sur des scénarios de séries. Alors, c'est tout même assez récent que la FEMIS, pour la scolarité normale, s'ouvre à des jeunes venus d'Afrique, enfin, du temps de mon fils qui était élève à la FEMIS il y a 10 ans ou 12 ans, il y avait juste Leïla Bouzid qui était la promotion à Paris. Et c'était déjà presque une innovation, quoi. Ah, d'accord. Moi, je ne sais pas, ils ne m'ont pas... Ils ne m'ont pas dit, ah, tu es le... oui, tu es le... Personne. Non, il y a un quota, il y a toujours un quota. Il y a toujours un quota pour les étrangers. Ah, enfin... Si, si. Je ne sais pas s'il y a un quota, en tout cas, mais je sais que... Ah, d'accord. Si, si. Mais je sais que, voilà, durant mon cursus à la FEMIS, j'étais le seul étudiant d'Afrique subsaharienne. Mais je pense que ce qui rebute les gens, c'est le prix aussi, en fait. Parce que la scolarité est très chère quand on n'est pas français, quand on n'est pas boursier. Ah oui. Et là, je te tutoie ou... Oui, oui, bien sûr. Tu étais boursier, tu avais une bourse? Non. D'accord. Donc il fallait bosser. Oui. Non. Mes parents souffrent. Bon, alors, le film, donc c'était Panthéon, que je trouve un film, moi je l'ai vu deux fois, mais sur ordinateur, hein, pas sur grand écran, donc j'ai manqué de beaucoup de choses, parce que l'image a beaucoup d'importance. Et je trouve tout de même, malgré ses conditions de vision, je trouve le film assez remarquable dans ce... Parce qu'on suit le fils d'un père, le fils d'un père béninois de l'ethnie Fon, qui possédait le costume de cérémonie vaudou de son père, c'est-à-dire le grand-père, Akbar. Et ce fils est mal dans sa peau, enfin, il a visiblement des difficultés, et il est obsédé par ce costume auquel il a retravaillé et qu'il a été exposé dans un musée, dans une exposition d'art voodoo. Et finalement, l'histoire navigue entre ces rêveries, ces obsessions qui se traduisent par la bande-son, par certaines images, et par la surimposition du costume dans beaucoup de situations. Donc on est dans un entre-deux. Quand on est dans la réalité, on est dans la réalité. Mais on navigue de l'une à l'autre. Et il se passe beaucoup de choses. Et le sujet fondamental du film, évidemment, c'est celui de la muséographie des œuvres, des vêtements qui ont en Afrique, qui ont eu un sens, qui répondent à une fonction, qui répondent à quelque chose, soit de sacré, soit de cérémoniel, soit il y a aussi des objets d'usage. Enfin, donc, mais tout ceci est lié à toute une civilisation, une culture, et il est évident que la muséographie n'en rend pas compte. Et donc le choc entre le personnage, son ami, le musée, avec un gardien de musée formidable, fait le film. Alors je ne sais pas si j'ai bien présenté, c'était plutôt quand je résiste de le faire, mais traditionnellement je le fais. Voilà. Alors, si tu as rajouté ce que tu veux rajouter, corriger. Non, c'est parce que à chaque fois, j'ai plusieurs projections, à chaque fois c'est moi qui dois le présenter, alors moi je trouve que c'est intéressant pour moi d'entendre les autres en parler, de voir ce qu'ils en ont retenu, puisque ça me permet ensuite de moi-même de réfléchir. À l'idée originelle du film, en tout cas la pulsion de départ n'était pas tant sur la question du musée, de la muséographie, c'était aussi, surtout, sur qu'est-ce qu'on fait de nos racines en situation d'exil, quand on nous a rien appris, qu'on se retrouve avec ça, comment est-ce qu'on les régénère, et aussi, que devient l'imaginaire une fois qu'il est déplacé hors de son berceau initial. Et pour moi, le costume symbolisait ça, symbolisait l'imaginaire. Cet imaginaire fond, une partie de l'imaginaire fond qu'on retrouve en France. Qu'est-ce que ça devient? Comment se dépatouillent les dépositaires de cet imaginaire avec ça? Parce qu'il y a beaucoup de films où on parle des exilés, où on parle des hommes, on parle de leur situation sociale, mais je trouvais qu'on ne parlait pas assez de leur imaginaire. Voilà. Oui, non, mais c'est effectivement ça. Je suis passé à la muséographie pour une petite parenthèse, mais c'est que j'ai une petite collection d'art africain collecté autour de 30 années de voyage en Afrique. Oui, même un peu plus. Enfin, je vais y aller pas tous les ans. Et donc, j'ai une pièce dans ma maison là, qui est le musée. Et je me suis senti très mal à l'aise, et donc ça se doit se sentir, en voyant le film, en disant, bon, comment je vais me dépatouiller de ça. Donc j'en parle plus, et je laisse les questions venir, parce que comme j'étais pas à la science hier, il y a eu un débat où des choses se sont dites. Et donc maintenant, c'est peut-être demander aux gens qui l'ont vu hier, mais qui ont encore d'autres choses à dire, d'autres questions à te poser, à le faire. Oui, c'est très difficile d'aborder cette question des supports de l'imaginaire en situation d'exil. Ouais. Et le fait d'avoir choisi ce symbole très fort qui est le costume d'un ancêtre, donc c'est un objet qui est vivant, qui est chargé, je trouve que c'était pas facile, le défi que vous vous êtes donné à vous-même. Et, oui. Et il a été relevé ? Il a été relevé. Moi, je ferais juste une réserve, mais c'est pas du tout une critique. C'est très, très difficile. Quand il est dans la voiture, par exemple. Oui. Voilà. Est-ce que c'est une image qui porte bien son travail intérieur sur sa difficulté à accepter que cet objet sacré soit mis dans un musée? On voit bien que c'est ça qui l'agite. Voilà. Mais... Et plus que ça, ce qu'il agite, c'est son rapport aussi au père, à la tradition. Oui, mais ça va de soi, c'est son imaginaire. Ouais. Mais voilà, c'était juste une réserve, mais je trouve que c'est très très beau sujet, et c'est très difficile. Il y a énormément de travaux sur l'exil. Oui. Mais parler d'un support de l'imaginaire en situation d'exil, comme ça, un objet qui est transporté, quel que soit vos problèmes personnels, et ceux de la France d'ailleurs, parce que c'est du rapt quand même, hein, de conscience, hein, prendre les objets du sacré par exemple. Voilà. Et est-ce que vous avez eu un débat à l'intérieur de votre problématique pour choisir ces séquences de voitures? Vous voyez ce que je veux dire à plusieurs fois. Il y a plusieurs séquences. Oui, elles n'ont pas, voilà, pas toutes la même fonction. Non, elles font un travail sur la temporalité justement de la construction de son débat intérieur. Oui. Alors, sur l'image, hein, le choix d'une image, le choix d'une séquence comme ça, vous voyez ce que je veux dire ça. Enfin, je ne veux pas trop parler. Non, je vous réponds, en tout cas, du peu que je puisse vous répondre, les séquences de voiture sont effectivement des moments pour lui de transition, et des moments où, effectivement, les choses infusent dans sa tête. Est-ce que c'était la meilleure image? Je ne sais pas, sais que par rapport au personnage dans son quotidien, en réfléchissant au personnage dans son quotidien, ça me semblait être le moment intéressant parce que c'est comme il est chauffeur de taxi. Il est chauffeur de taxi et du coup. C'est son espace. C'est un peu un passeur, il transporte les gens. Et puis l'image de la voiture, c'est aussi l'image. C'est un plan d'eau. Oui, ça. Enfin, dans la tête, c'est un. En Afrique, on dirait que c'est un plan d'eau. Oui. Non, mais ça apporte un peu dans sa situation. Non, moi, pour moi, il est plan d'eau dans quel sens? Chauffeur de taxi clandestin ou clandestin dans. Non, chauffeur de taxi clandestin. Oui, bah, en fait, c'est un Uber pour moi. Ah d'accord, oui c'est vrai, je ne suis pas parisien et je ne connais pas le même. Non mais c'est un chauffeur de VTC quoi, c'est-à-dire que c'est le côté un peu contemporain du film, c'est qu'il y a ce truc aussi, mais clandestin c'est un peu ça, c'est qu'il y a même pas il y a un truc un peu où il passe entre les espaces, il se glisse entre les espaces, et il est toujours dans sa voiture, toujours dans son truc, dans sa cage, dans sa bulle quoi. Merci. Moi, je le ressens un peu coincé dans son corps. Il est une perception qui aurait d'être un peu ligoté dans son travail et avec une certaine tristesse par rapport à l'éloignement de ses racines justement et qui se traduisent après par le corps, une prise de un retour à ses racines par le corps avec le cramp là. Oui. Et là, dans son travail, ben voilà, il ne bouge pas, il est un peu figé, un peu immobile. Oui, c'est très empêché aussi. Et puis, le personnage, du moins tel que je l'ai pensé, il n'a même jamais connu vraiment ses racines. Oui. Et c'est aussi ça qu'il. Il n'a même pas un horizon de retour quelque part, puisqu'il n'a pas connu ce truc-là. Donc, il est un peu entre deux comme ça, il est un peu empêché, un peu dans une bulle. Et en même temps, malgré tout, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'est-ce qui, malgré tous ces obstacles en fait, à la transmission, qu'est-ce qui ressurgit quand même, qu'est-ce qui en lui renaît. Alors, il y a la danse qui joue un rôle important. Hein. Monsieur Vallon, vous m'avertir les mots. Monsieur, bon. Je ne suis pas monsieur ici. Donc, il y a la danse. Alors, il paraît que c'est une danse moderne. Enfin, et moi, j'ai cru d'abord que c'était une danse inspirée du vaudou. Et effectivement, les deux éléments se répondent tout à fait. Et c'est très important parce que c'est cette danse qui lui permet à la fois qu'il le choque au départ, une première fois, et ensuite de le se libérer son corps. Et à la fin est apaisée. le chant du père est un chant doux, alors que la voix du père qu'on entendait avant, elle était beaucoup plus dure. Non. C'est la même, c'est peut-être la perception qui change. Oui, c'est voilà, la perception. C'est la magie du cinéma. Oui, à propos de la danse, oui, le crump, c'est une danse très, très moderne, très contemporaine. C'est né à Los Angeles, fin des années 90. Donc, c'est une danse urbaine, c'est une danse très... Qui est née à la suite d'émeutes, et c'est des jeunes qui voulaient trouver un moyen d'exorciser un peu leur rage, leurs maux, leurs crises. Et qui est née dans la communauté afro-américaine. Qui est née dans la communauté afro-américaine. Alors, je ne sais pas, certains disent qu'elle est dérivée du hip-hop, donc je laisse aux spécialistes le choix des origines, mais après, ce qui est sûr aussi, et ce qui est, c'est qu'elle n'est pas consciemment inspirée du vaudou. Les créateurs de cette danse n'ont pas pris consciemment exemple sur des danses ou des chants rituels de vaudou. Du coup, c'est vraiment mon regard sur cette danse qui a été mettée, ça m'a rappelé des cérémonies de transe que j'avais pu voir chez moi. Et je trouvais, mais encore une fois par rapport au personnage, je trouve intéressant de se dire que même quand il n'y a pas de mémoire consciente, il y a quelque chose de cyclique dans les impulsions qui créent, en fait. Dans la dénomination de crâne, les lettres de crâne en anglais, je ne sais plus, ça commence par kingdom, mais ça veut dire, enfin, la traduction, c'est éloge du puissant royaume. Oui. Donc ça renvoie quand même au royaume du Bénin aussi. Enfin, c'est étonnant d'avoir appelé cette danse urbaine des années 90. Est-ce que tout le monde au fond entend quand quelqu'un parle? Oui, ça va. Oui. Donc cette dénomination quand même interpelle aussi. Ah oui, bien sûr, mais le crump, même l'architecture entre guillemets du crump, c'est très intéressant. On n'avait pas la place dans le film, déjà il y a beaucoup de choses dans le film. Moi je voulais en dire plus sur le crump, mais... bon, c'est déjà un film où il y a beaucoup de choses à avaler pour le spectateur, mais effectivement, le crump, c'est divisé en famille. Dans chaque famille, il y a le big homie qui est genre le patriarche ou la matriarche de la famille. Ensuite, il y a toute une architecture en fait. Chaque danseur a un nom lié à sa famille, il a un rang. Il a une manière de danser, il a un personnage en fait, chacun a une manière de danser qui définit son personnage, et donc ce personnage peut gagner en hiérarchie dans sa propre famille, toutes les familles se connaissent. Il y a quelque chose de très tribal en fait, dans le crâne. Comme une reconstitution des origines. Oui, voilà, mais reconstitution encore une fois, alors que c'est pas du tout pensé pour... Ouais. C'est instinctif. Oui, voilà, c'est quelque chose d'instinctif qui s'est fait comme ça. Et sur un mode urbain. Exactement. Ouais. C'est vraiment très étonnant. Et c'est ce qui m'a beaucoup plu dans le crâne. Hier, en regardant le film, j'avais l'impression que votre film, c'était un peu comme une autobiographie. Est-ce que c'est une histoire complètement inventée ou c'est vous retranscrissez un peu les relations que vous avez eues avec votre père ou alors vos frères? Alors, c'est pas mon histoire. Personnellement, donc parce que contrairement au personnage, moi j'ai vécu au Bénin, donc je connais bien et tout, donc c'est pas... Bah, après j'imagine qu'il y a toujours une part d'autobiographie dans le sens où, par exemple sur la question de la transmission, c'est quelque chose qui me travaille beaucoup parce que je trouve que, ne serait-ce que pour prendre l'exemple du cinéma, beaucoup de jeunes de ma génération ont manqué de transmission de leur vie. C'est peut-être sous cet angle-là, en fait, que le film a quelque chose d'autobiographique, dans le sens où c'est une réflexion sur quelque chose de l'ordre de la transmission qui ne s'est pas effectuée ou qui s'est effectuée difficilement. C'est pour ça aussi que, dans le film, le personnage, qui du coup n'a pas pu parler à son père, apprend en fait d'un jeune qui danse et qui fait le crump et qui du coup lui redonne des idées et lui permet de se régénérer. C'est parce que... ce qu'il n'a pas eu d'un côté, en fait, il peut quand même le trouver de l'autre et de manière inattendue. Et c'est un peu ça. En fait, moi, c'est ce que j'observe avec pas mal de jeunes de ma génération, c'est qu'on n'a pas forcément beaucoup eu de transmission valorisée de nos aînés, de nos parents, mais on va chercher nous-mêmes en grappillant des informations par-ci, par-là, en rencontrant d'autres personnes, en fait, et du coup, on bâtit notre propre réflexion, même si, en fait, on a beau faire tout ça, cette transmission manque. Peut-être qu'elle peut se faire sur le tard, comme dans le film où elle se fait à la fin, par-delà le royaume des morts, mais... Ouais, si on prend cet angle-là, oui, de ce point de vue, c'est un peu autobiographique. Oui, il y a une chose que je trouve intéressante et qui concerne tout le monde, je pense, c'est que au-delà de la transmission, il y a cette espèce de besoin de libérer les corps. Mmh. Et visiblement, s'il n'y a pas de transmission, il y a un besoin réel, puisqu'il y a des gens qui réinventent c'est pas des rituels, mais en tout cas, ce besoin de trans. Et quand on sait aussi que dans certains pays, c'est utilisé entre guillemets dans la psychiatrie, parce que voilà, il y a des rituels qui sont parce que bouger, crier, libérer son corps, et exprimer la violence qui est exprimée dans cette danse, mais qui est belle en même temps, qui est presque esthétique, c'est incroyable quoi. Là, moi, c'est la première fois que je voyais ça aussi, j'étais un peu scotché. Mais je trouve que voilà, nous qui sommes en Europe très figés dans nos corps souvent, très voilà, je pense qu'il y a vraiment quelque chose à comprendre de ça quoi. C'est ça va au-delà de la transmission, ça, j'ai l'impression que ça exprime un besoin réel. Ouais. Voilà, de je sais pas, de se libérer aussi. C'est une question libératrice quoi, voilà. Oui, oui, c'est vrai, c'est tout à fait. Et d'ailleurs, je pense que déjà le crump commence à être utilisé en thérapie. Il y a des personnes qui font crump pour oui, justement. Moi, les danseurs de crump à qui j'ai parlé, ils me disaient qu'ils recevaient parfois des gens qui avaient des traumatismes dans leur vie, et ça leur permettait de sortir les choses. Et ça va aller de plus en plus. Et même au Bénin, j'ai lu un livre de analyse en psychiatrie là-dessus. Enfin, en fait, de toute façon, la danse, de manière générale, c'est aussi ce que le film m'a permis de retrouver parce que on parlait d'autobiographie, mais justement, en fait, c'est-à-dire qu'il y a l'autobiographie consciente de la question d'affiliation, il y a aussi le côté un peu inconscient de retrouver quelque chose, mais on ne sait pas quoi au départ. Tu vas pas excuse-nous, mais Daoud est un perturbateur. Les obsédés de l'image. Je profite. Hein. Mais on l'a traité de photographe hier, donc il réagit en faisant la photo pour montrer qu'effectivement. Non, c'est pas un hasard que ce soit né à Los Angeles. Enfin, je veux dire, c'est aussi une libération d'une violence naturelle. Enfin, de chacun. Quoi ? Naturel. Ben, naturel, on a mis cette violence. Bon. Et donc, dans les situations des Afro-Américains à Los Angeles, dans les quartiers où il y a eu des révoltes et tout ça, j'imagine que finalement le crime il est né ailleurs, il est né autrement, mais il apporte tout de même une possibilité de libération de son énergie qu'on ne peut pas. Oui, c'est comme le corps devient réceptacle et écho, en fait, renvoie ce que en fait l'écho et que la voix nous revient. C'est-à-dire que forcément, le côté très ressentir en permanence de la pression, à un moment on a besoin de la libérer, ça sort comme ça, donc c'est très intéressant à observer aussi comment psychiatriquement ça dit quelque chose de comment est-ce qu'on se sent entravé mentalement aussi, on a besoin de sortir. Et de toute façon, le crump a une fonction rituelle, comme les danses rituelles en Afrique, c'est une fonction sociale. Et je ne sais plus avec qui j'en parlais hier sur le fait que, en fait, c'est presque une initiation pour le personnage à la fin. C'est être accepté, danser le crump. Quand on assiste à des compétitions, mais même avant des compétitions, il y a un mot qui revient beaucoup dans le crump, c'est le partage. C'est l'idée que on a un personnage, on le présente devant tout le monde et on se dit on te hype, c'est-à-dire on l'accepte, on l'encourage et voilà, dis-nous qui tu es. Oui, voilà. C'est l'idée du crump, c'est dis-nous qui tu es au fond, sincèrement, dis-nous qui tu es. Et nous, en retour, on te donnera notre énergie, on te donnera de la force. Et voilà, c'est l'essence même du rituel et c'est quelque chose que je retrouve là, que j'avais vu avant. Et voilà, c'est de ça que j'ai eu envie un peu de parler. C'est formidable, ça, ouais. Ce que tu dis là. Hier soir, on a parlé du film de David Lachapelle, c'est vraiment. Enfin, moi, je recommande. Hier soir, on a parlé du film de David Lachapelle qui est sur le crâne. Ah ouais. Rise, ça s'appelle vraiment, je vous recommande de le voir, c'est hallucinant, quoi. Ouais. C'est complètement hallucinant ce film. Comment ça s'appelle? Rise. Rise. C'est David Lachapelle. Et c'est un film qui circule comment? Ah non, je l'ai vu au cinéma. Il est en DVD, on peut le trouver en DVD. Ah d'accord. Il est sorti il y a une année, un peu plus, 10-15 ans. Il est C'est un moyen métrage. Un long métrage. Rise. Bon, bah écoutez, pour poursuivre, non pas notre initiation, mais enfin tout de même notre participation à la création, à tout ce que, qui se crée aujourd'hui, pour voir Rise. Voilà. Bon. Est-ce qu'il y a d'autres. Oui, je voulais savoir jusqu'à quand ces costumes ont été utilisés, jusqu'à quelle période, et comment ils ont été, s'ils étaient fabriqués collectivement, comment ils étaient fabriqués aussi, si vous le savez. Alors, c'est magnifique. C'est toujours quelque chose, c'est quelque chose qui existe encore aujourd'hui. Donc, on en fait toujours et c'est toujours utilisé. Ah, c'est toujours utilisé, oui, d'accord. Oui. Et comment ils sont faits, je ne sais pas, parce que c'est un secret. C'est toujours utilisé. C'est un secret. Oui. Donc, c'est des initiés qui disparaissent pendant plusieurs jours et qui reviennent. Après, donc personne ne sait réellement comment est-ce qu'ils sont fabriqués, ni avec quoi, ni comment. Après, pour le costume de jeu, le costume qui est dans le film, qui est une copie, en fait, on parlait de la costumière, parce que moi, je n'ai pas tous les détails, mais on sait beaucoup. On a beaucoup travaillé avec des tissus qu'on utilise pour faire des nappes. On prenait les revers de tissus, ensuite elle a rajouté, je ne sais plus, je ne pourrais pas dire avec certitude. Oui. Mais comment ils le font là-bas, je ne saurais pas. Ils sont encore utilisés lors de fêtes particulières, enfin, Oui, c'est des sorties. Mais on voit à la fin, on a un peu cette image. Oui, mais je crois que c'est des archives qui dataient déjà. Non, c'est des archives qui n'ont pas 2 ans. Oui, c'est peut-être impressionnant, c'est super. Donc oui, c'est très impressionnant. Moi, j'ai grandi avec ça. Donc, c'est encore régulièrement, il y a la fête du vaudou en janvier au Bénin, et donc à cette occasion il y a des sorties, mais en fait tout au long de l'année il y a des sorties de Egoum, comme ça il y en a des différentes sortes. Et ça continue. Et vous disiez hier qu'on ne pouvait pas les toucher, qu'on n'avait pas le droit de les toucher. Non, on n'a pas le droit de les toucher. Et là aussi c'est étonnant de voir comment ça s'exporte. Enfin, moi j'ai assisté à des cérémonies à Cuba. C'est vraiment des jeunes Cubains qui fabriquent les costumes et qui continuent la tradition de Yoruba dans ces deux Yoruba. C'est stupéfiant, ça, c'est vraiment. C'est des très jeunes gens qui continuent à perpétuer la tradition. Oui, c'est toujours. Bah, à Cuba, de toute façon, il y a eu, avec l'esclavage, il y a eu des. Et c'est comme ça que le vaudou aussi, c'est en Guinée exporté. Haïti, le Brésil, le Nord-Est du Brésil, oui, voilà, au Brésil, tout ça, exactement. Mal de sang, ouais. Le Bénin était vraiment le point de départ le plus important de la traite atlantique. Hein. On l'oublie souvent parce que mais le Bénin a vraiment été, on l'appelle le berceau du vaudou, mais c'est aussi vraiment l'un des points, c'était l'un des ports les plus importants. Mais j'avais été étonnée de voir comment ça se perpétue vraiment à la virgule près. Quoi. J'ai vu des jeunes Cubains danser, mais ils ne sont jamais allés en Afrique. Ouais. Ils dansent, mais des danses rituelles, exactement comme l'Afrique. C'est vraiment étonnant comment ça a traversé. C'est toujours la même chose, avoir besoin de quelque chose qui nous appartient. C'est chercher se chercher une identité et se chercher, ouais, se chercher quelque chose à, ouais, qui nous appartient. Il faut une nourriture et une résistance. Oui. Bon. Alors, on va à la dernière question. Je voulais poser une question, s'il vous plaît. C'est par rapport à vous, vous êtes jeune. Oui. Et d'abord, je voulais savoir comment vous étiez arrivé au cinéma, ce qui vous a poussé à faire des études de cinéma, justement, à Venise. Et de quel cinéma vous êtes nourri? Est-ce qu'il y a un cinéaste qui vous a inspiré ou un film? Et aujourd'hui, qu'est-ce que vous regardez, vous? Ah, wow, ok. Bon, je vais le dire en accéléré. Moi, j'ai vécu donc 18 ans au Bénin, à Cotonou. J'ai commencé à m'intéresser au cinéma quand j'étais adolescent. Je m'intéressais, enfin, plus petit, je m'intéressais beaucoup au cinéma, mais les seuls films qu'on voyait, c'était les films de Kung Fu et les films indiens. Et c'est très bien, moi, j'adore. Donc, déjà, ça, y avait quelque chose. Voilà, qui m'intéressait là-dedans. À 16 ans, j'ai commencé à acheter des magazines de cinéma et à m'intéresser de manière générale au cinéma mondial, en fait. Mais je n'ai jamais pensé à cette époque en faire mon métier parce que, comme on parlait ce matin avec Daoud, le faire du cinéma, c'est une chimère au Bénin. Donc pour moi, c'était vraiment pas possible. Je suis venu en France, j'ai fait 2 ans d'études littéraires avec une option cinéma, mais c'était 2 heures par semaine, quoi. Ça m'a vraiment plu, et donc j'ai décidé de m'y engager complètement donc, dans le cinéma. J'ai fait une école à Nancy, dans l'Est, pendant 2 ans. Et ensuite, j'ai tenté l'école de la FEMIS, que j'ai eu la chance d'avoir au bout de mon deuxième essai. Là, ça a été, c'est là vraiment où... ça a été le déclic parce que, disons qu'il y avait une validation, enfin pour mes parents déjà, il y avait une validation institutionnelle de mon désir de cinéma. Et même pour moi, c'était une validation personnelle du fait que, bon, ok, peut-être que je peux le faire. Et voilà, et alors, un gros paradoxe, on parlait de la transmission tout à l'heure, le cinéma africain, je l'ai découvert en arrivant en France, réellement. Puisque les films étaient... alors, ils sont trouvables, mais dans la jeunesse, il y avait, enfin, pour nous, le cinéma africain, c'était vraiment quelque chose de très ringard, de très vieux. En plus, dans la fin des années 90, c'était pas pour tout ça, les films qu'il y avait. Et c'est vraiment ici que j'ai eu un choc en découvrant Djibril Diop, Mambéty. Et je me suis dit, ah oui, en fait, ça peut être ça. Donc, ça a été... voilà, si on parle de pierre blanche à noter dans le parcours, ça a été l'une des pierres blanches, ça a été ma découverte de Djibril Diop Mambéty. Et puis ensuite voilà, aujourd'hui j'aime beaucoup Alain Gomis, qui est un peu une sorte de mentor pour moi. J'aime beaucoup vraiment tout type de cinéma, parce que comme, encore une fois, j'ai grandi sans hiérarchie du cinéma, j'allais vraiment voir de tout le temps qu'il y avait. Voir des images sur grand écran, pour moi, c'est quelque chose de... Ça reste toujours de l'ordre de la magie, de la sidération, parce que j'ai aussi fait partie de la génération qui a vu disparaître les cinémas à Cotonou. Quand j'ai eu 16 ans, il n'y avait plus de salle de cinéma au Bénin. C'est maintenant qu'ils ont rouvert une salle là, mais voilà, donc c'était quelque chose pour moi, c'est pour ça aussi. C'est la magie du cinéma, c'est quelque chose qui opère toujours sur ma chaîne. Vraiment, tout type, toutes sortes de films. Je suis touché par les histoires de famille et de transmission, c'est ce que je pourrais dire un peu. Et voilà. Voilà. On s'arrête là, merci. Ben, merci. Et je vais passer la parole à Rosine Bakam. Les deux visages d'une femme bamileke, c'est alors là, la plupart d'entre vous ne l'ont pas vu, mais précipitez-vous absolument cet après-midi. Je crois que c'est C'est un film. Est-ce que Rosine pourrait le faire parce que là elle est en contre-jour, on ne voit pas du tout. Oui, mais elle va avoir ça dans les yeux. Enfin, on peut échanger. Non. Parce qu'elle n'aura pas le soleil dans les yeux. Ah bon non, bah, je peux vous dire qu'on l'a. Dans une demi-heure, on l'aura. Non, parce que vous êtes à contre-jour, on ne voit pas. Bon, en plus. Alors, donc le film de Rosine est un film. Bon, il y en a plusieurs cinéastes qui ont fait un film d'entretien avec la mer. Il y a le film de Samora Alpaï qu'on avait présenté à la première édition du festival en 2003. Il y a le film de la San Diego. L'âme de l'immigration. Bref, il y a. Et puis au Cameroun, il y a un cinéaste qui suit très de certains sujets qui sont dans le film, c'est Jean-Marie Kendo, qui est un habitué, qui était un habitué du. Non mais. Et c'est donc un film où Rosine. Parle d'elle, elle a un texte très beau qui est en voix off et qui accompagne, qui sert de transition aussi dans ses différentes séquences. Et c'est un film qui est d'une richesse, on pourrait dire, historique et anthropologique, je trouve formidable, puisque sa mère, dans ses souvenirs, remonte à travers les souvenirs de ses parents, remonte à l'époque coloniale, aux travaux forcés. Qu'il y a la mémoire de la lutte de l'UPC au moment de l'indépendance octroyée au Cameroun et de l'arrivée au pouvoir ensuite à Idjo. Il y a Idjo et comment il s'appelle déjà, le vieux. Voilà, Mbia. Et bon, ça, c'est pas le plus important, mais ça m'a frappé que ça revienne et que donc on aille chercher loin dans la mémoire. Et puis, cette femme, qui est absolument formidable, raconte sa vie. C'est-à-dire que c'est très construit, hein, c'est très construit, c'est très mis en scène, puisque chaque séquence d'histoire d'un moment de sa vie est mise en scène dans un cadre qui correspond ou qui rappelle des souvenirs de. Ce moment de la vie de la mère. Et c'est un travail absolument formidable et qui est en permanence. J'ai parlé des éléments d'information pour nous, qu'il y a sur le plan historique et sur le plan, disons, anthropologique, mais c'est pas ça le film. Le film est tout de même dans une grande. Émotion partagée, en même temps contrôlée, enfin qui n'est pas, ne s'épanche pas, etc. Donc il y aurait beaucoup, beaucoup à dire, et je m'arrête là. Hein. Et donc, peut-être de demander comment. D'abord, peut-être rappeler que c'est un peu comme Ange Régis, c'est-à-dire que. Tu es venu en Belgique à la maturité, en fait, je veux dire, et pour faire des études de cinéma. Et donc, c'est un parcours un peu parallèle. Et ce film, évidemment, ça fait longtemps que tu avais envie de le faire. Bon allez. Excusez-moi. Non, mais j'ai des interlocutrices qui trouvent que je parle trop. Donc je m'arrête de parler. Je ne sais pas par quoi je commence. Par parler de la jeunesse du film. Oui, comme tu veux, plus fort. Oui, le film est né de mon départ du Cameroun parce que j'avais envie de faire des études de cinéma. Et j'ai choisi l'ANSA, c'est pas la Phoenix, parce que c'était trop cher, justement. et voilà, et c'était la première fois que je prenais une distance avec ma famille, le Cameroun, c'était la première fois que je suis partie du distance avec tout ça et que je pouvais regarder avec, avec une certaine distance les gens de ma famille, ma mère, ma fortune, tous ceux qui m'ont entouré. Et au départ, c'était un portrait de ma mère. Et ce portrait-là, il a évolué avec moi pendant mon parcours à l'INSAS. Pendant mon parcours à l'INSAS. Et l'écriture de ce film a évolué également. Et c'était d'avoir un portrait de ma mère, puis d'une génération de femmes, celle de ma mère. Et puis quand mon fils est né, c'est devenu un film de ma mère et moi, donc une conversation entre deux générations. Et voilà, donc le film, c'est deux générations qui se regardent, qui se questionnent, qui se parlent, qui échangent. Et voilà. Tu rentres dans le film de plus en plus au fur et à mesure que le film avance. Et que d'une certaine manière, on se rapproche aussi. Il y a eu le mariage de tes parents et puis ta naissance. Mmh. Et donc, il y a une très belle scène sur le traitement de la femme après la naissance et du bébé aussi, et qui est où les choses sont entièrement fusionnées quoi, entre la mémoire de la mère et toi. Oui, c'est vraiment cette séquence. C'est vraiment. Le moment où il n'y a plus qu'une, voilà, on devient voilà, une seule femme parce que on fait corps ensemble par ce rituel-là. Et je pense que nos deux histoires se rejoignent là, à ce moment-là. Alors, parmi ceux, celles qui ont vu le film hier, il y a des questions à poser ou des... J'ai beaucoup aimé le film. J'étais étonnée de cette retenue. Parce que de l'Afrique, on va pas dire l'Afrique en général, mais on a quand même une extraversion, la parole est facile. Là, j'ai trouvé qu'il y avait une extrême retenue. On n'allait pas jusqu'à l'intime. On allait jusque-là, on pouvait, mais pas au-delà. Et quand vous vous rapprochez de votre mère, il y a deux choses qui m'ont étonnée. D'abord, vous avez un petit garçon magnifique. Et quand vous vous rapprochez de votre mère, même en tête-à-tête, ça ne va pas aussi loin que je penserais que l'on puisse aller. Je ne sais pas si c'est français. Ça reste toujours avec une distance. Ce n'est pas dans les mots, j'ai trouvé. Et puis, il y a une certaine mélancolie dans la parole. Elle est très lente. Très, très lente, j'ai trouvé. Je ne sais pas si c'est dû au Cameroun, mais elle est très lente. Et ces femmes magnifiques, toutes. Et moi, quand j'étais dans ma voiture, en revenant hier soir, je me suis dit, putain, on se plaint en France. Mais c'est la misère. Enfin, pour nous, c'est la misère, ce qu'on voit. Pour vous, peut-être pas. Pour nous, c'est la misère. Quand elle prend ce papier, qu'elle enveloppe les légumes, il est tout bouffé par les rats, le journal. C'est même pas un journal... Enfin, il y a plein de symboles comme ça qu'on voit. Les intérieurs, la chambre fait la taille du lit, la pièce. Sa vie, il y a trois calebasses et deux casseroles. Et dans cette abondance qu'on a, nous, c'est pas pour faire le misérabilisme de l'Afrique, mais vous avez en transmission quelque chose qui a toutes les valeurs et que nous, on n'a pas. Et vous arrivez à dire, elles m'ont donné tout ça. Mais moi, je me dis, mais qu'est-ce qu'elles lui ont donné, finalement? Mais elles vous ont donné tout ça. Et ça, c'est, pour moi, c'était magnifique. C'est ce qui fait la richesse. Et que nous, n'en avons plus. Il n'y a pas cette communauté forte de femmes qui s'entraide dans ses malheurs. Quand elle a ce souvenir des têtes coupées et tout, on se dit, mais c'est l'horreur ce qu'elles ont dû vivre. Horrible. Rosine. Moi je viens d'une famille très très pauvre. Et les gens me posent toujours la question, en tout cas quand j'étais à l'ancien, ça me disait, mais... comment tu te retrouves là à faire du cinéma? Parce que j'ai eu un papa qui est arrivé d'autre chose pour ses enfants, qui est un fils d'esclave, qui n'avait rien à arriver, juste d'autre chose, et nous a permis, nous a essayé de donner des possibilités, des chances à tout le monde de pouvoir se saisir de ce rêve-là. Et je voulais montrer ça, je voulais montrer d'où je viens et ce qui fait ce que je suis, c'est-à-dire ces femmes-là, ces gens-là qui n'ont rien, mais qui ont une extrême dignité. C'est le film, parce qu'on me disait c'est un film triste. Oui, c'est triste, mais la tristesse fait partie de notre vie, ça fait partie de notre quotidien, la souffrance fait partie de notre quotidien. Et on doit la regarder, on doit regarder la souffrance en face pour pouvoir la surmonter et en faire une force. Parce que la souffrance. Ce qui est absolument le cas. Ce qui est le cas, c'est ça que nous donne le film. Moi, je me suis dit, on a tout, mais on n'a pas ça. Il n'y a pas cette transmission, il n'y a pas ces femmes qui s'entraident et tout, en France où on critique, jalouse, machin. Et là, il y a une force qui se dégage de ces femmes qui toutes ont souffert, qui toutes sont pauvres. Mm-hmm. Vous dites pauvre, j'irais misère, moi, parce que de l'âme, enfin, c'est très, très... Mais ça, c'est un concept, oui, c'est notre vue, oui, oui. Qui est un concept de chez nous. Bien sûr, je suis sûre que là-bas, ils ne disent pas que je suis miséreux. De toute façon, quand tout le monde est pareil, on va bien moins. Hein, les pauvres, soir. C'est comme quand les orphelins... Alors, c'est la pauvreté uniquement matérielle. Oui. Mais ce qu'elles ont, c'est ça. Alors, la mélancolie, oui, c'est vrai, il y a la tristesse, mais en même temps, moi j'ai été complètement regaillardi, enthousiasmé de voir la mère, de voir les autres femmes, et c'est extraordinaire ce film, c'est un chant, on pourrait en faire pas un opéra, mais oui, oratorio où on chante l'histoire de la femme et on avance, et c'est formidable, il y a une musique du film, mais c'est extraordinaire, ta mère a cette mémoire... vivante de tout. Et ça, c'est général ou c'est elle qui porte ça particulièrement? C'est fréquent. Je ne savais pas toute cette histoire de moi. C'est pourquoi ça s'appelle Les deux visages, parce qu'il y a une partie de mon histoire que je ne connaissais pas et que j'ai découvert en tournant le film. Donc, je ne connaissais pas l'histoire de mon père parce qu'il n'en parlait pas. Il était très connu à son histoire et tout ce que ma mère et ses sœurs ont vécu. Donc c'était une manière pour moi d'aller chercher ça, cette parole que je n'avais pas eue et que la distance a permis que je puisse questionner et interroger. Du coup, cette distance et cette absence fait qu'on avait envie de partager, on avait envie de se parler, on avait envie de se dire les choses. Je pense que c'est si j'avais pas fait ce voyage, je serais toujours restée la petite fille à leurs yeux. Et là, je revenais, j'étais devenue une femme, maman, et j'avais une certaine légitimité à poser certaines questions et à les questionner certaines choses. En fait, c'est grâce à l'enfant que, parce que si vous allez faire un film sans attendre cette histoire s'est révélée. C'est parce que grâce au voyage et à cet enfant à qui j'ai envie de transmettre la totalité de mon histoire. Je n'ai pas juste envie de transmettre ma langue ou ce que moi j'ai vécu en tant que moi. Maya Angelou dit, c'est la poète dont j'utilise le poème, dit on vient comme une seule personne, mais on est planté comme sang. Et moi, je reconnais ça. Je suis en Belgique comme une seule personne, mais j'ai une centaine de personnes derrière moi qui me nourrit et qui font ma personne. Et je veux absolument transmettre ça à mon fils qui vient d'une double culture et lui dire que t'es certes là, t'as deux parents différents, mais c'est pas juste ces deux parents. T'as des milliers de milliers de gens derrière toi, des milliers d'histoires. Voilà, et tu dois t'ancrer dans ça, tu dois savoir que tu as ça comme richesse. Et voilà, je voulais absolument faire ce voyage-là reprendre la place que j'avais, reprendre mon histoire, reprendre mon héritage et donner aussi à mon fils qui partage ça. Il y a une très belle scène avec votre maman quand il prend son biberon et qu'il oublie de dire je t'aime et qu'il doit le dire dans la langue. Et lui, au début, et finalement, après, il me dit je suis contente, tu m'as dit je t'aime. Oui. Ah, c'était magnifique. Elle Alors moi, je voudrais poser une question sur comment s'est fait ce film. C'est-à-dire que il est évident que ça a été préparé, que tout ça et tout un temps de dialogue. Mais en plus, il y a ce que j'évoquais, cette mise en scène très, très sobre, très simple, qui est juste le cadre. Et donc tout ça a été discuté avec elle. Comment ça s'est fait? Comment ça s'est fait, ce dialogue préparatoire? Pas vraiment, parce que ma mère, elle pensait que je faisais des études de médecine, parce que mon père avait toujours rêvé que je fasse des études de médecine. Et pourtant, je faisais déjà de la télé au Cameroun, mais pour elle, elle se disait que finalement, j'allais quand même reprendre le rêve de mon père qui était que je sois médecin. Et mais quand je ma mère ne connaissait pas vraiment ce que c'était que le cinéma, à part voir certaines images à la télé. Et pour moi, c'était également un partage avec ma famille, revenir avec ce cinéma là ce que j'ai appris, et de partager un peu mon monde avec toutes ces femmes, pour qu'elles voient ce que je fais, même si elles ne comprennent pas tout, qu'elles essayent un peu de rentrer dans mon monde, de partager et de communiquer au travers de mon langage à moi, parce que pour elles, si vous demandez à ma mère ou mes soeurs, elle ne parle jamais, elle est toujours dans sa tête, parce que j'étais toujours dans mon imaginaire. Au Cameroun, mon imaginaire, j'étais une enfant lunatique qui était toujours dans son imaginaire, et par le cinéma, je voulais les amener dans mon imaginaire. Et il est très écrit, parce que dans mon imaginaire, j'imagine des histoires qui n'existent pas, parce que je fuyais ma réalité qui n'était pas toujours facile. Donc je m'inventais des histoires à moi qui me confortaient et qui me donnaient de la force pour affronter la réalité. Et je voulais construire ces films comme ça, comme des tableaux très bien composés. Et j'ai mis 7 ans à l'écrire, tout mon scolaire. Je l'ai écrit et réécrit. Et voilà, c'est pourquoi il est assez construit, assez écrit. Parce que voilà, mon imaginaire est nourri de fiction, des histoires qui n'existent pas, et comment composer avec cette réalité-là. J'ai fait un mélange. J'ai fait un mélange des personnes assez construits, assez composés. Et alors, à la fin, le cinéma intervient avec cette scène finale de la Noire d'Oeil, qui est quelque chose d'absolument extraordinaire, que vous avez vu, parce que on a présenté le film 2 fois déjà au moins au festival, où le patron ramène la valise de la fille qui s'est suicidée, qui était leur domestique en France. Et il va dans la Vélina et... Il parle d'un noyau, il parle de la Noire 2. Ah, la Noire 2, d'accord. Oui, et donc il y a cette fuite du blanc, poursuivie par le petit garçon qui porte un masque, et qui est quelque chose d'absolument essentiel dans les cinémas d'Afrique. Quoi. Et donc, évidemment, c'était ce film-là qu'il fallait présenter à toutes les femmes. Oui, parce que pas présenter la Noire 2, c'est, Saint-Ben, c'est quelqu'un qui, c'est quelqu'un qui a révolutionné ma manière de regarder les femmes et dans ces films, parce que la femme dans les films de Saint-Ben a une place particulière. Et quand j'ai découvert son cinéma, et je me suis dit, c'est pas un homme qui filme les femmes comme ça, c'est pas, ou les hommes comme ça, c'est pas possible. Et c'est un cinéma que j'aime bien, c'est quelqu'un de très engagé, de très dans son cinéma, et ça me parle beaucoup. Et je voulais faire un clin d'œil à cet homme qui nourrit encore mon questionnement en tant que réalisatrice, et je voulais lui faire un clin d'œil, et je trouvais que Stan Mordeux, c'était un film qui faisait un lien entre ma mère et moi, parce que l'actrice, en tout cas, est de la génération de ma mère, et dans les films, il y a des réponses comme ça à ma mère et à moi, parce que quand ma mère, elle regarde La Noire 2, elle dit à l'actrice, parce que enfuis-toi, c'est comme si elle me disait à moi, libère-toi de tout et envole-toi aussi. Et il y a des réponses comme ça, et voilà, c'était une manière aussi de leur apporter mon univers, comme au début je lui dis, voilà, c'est quoi le cinéma pour toi, est-ce que proposer les cartes, et c'est également ramener ma mère au cinéma, parce qu'elle était quand même fort au cinéma, et avec les autres femmes, elle a ramené au cinéma. Et comment était vu au départ? Non, excusez-moi. Juste une question, parce qu'on doit passer au film suivant. Adrien Daoud, allez-y. C'est juste comment ils ont ressenti votre départ, la communauté, quand vous êtes partie. Comment ça s'est passé? C'était un peu. J'ai toujours été incomprise dans mes choix. Choisir le cinéma, comme on dit, c'est un peu. Ben, ça ne fait pas vivre, c'est pas un métier moi j'étais fiancée, j'avais un travail en télévision, j'étais bien, j'avais tout ce qu'il fallait pour me poser, et voilà. Et j'ai tout laissé tomber pour suivre une envie. Et pour eux c'était, voilà, on ne la comprendra jamais, mais on la laisse quand même faire ce qu'elle a envie de faire, et voilà, je reste toujours un peu incomprise, mais le fait que ma mère ait vu le film, elle a un peu compris ce que je faisais comme travail, et surtout le retour qu'elle a eu des gens quand elle a vu le film au Cameroun, quand je lui dis, j'étais dans tel pays, et les gens sont très touchés. Elle se dit, elle ne comprend pas à quel point son histoire touche les gens de cultures différentes, qu'elle nous aura jamais. Et ça la touche, et il y a quelque chose qui la dépasse, je pense. Merci. Moi, j'aimerais juste. Rajouter par rapport à tout à l'heure, donc ce que tu dis, toi, ça fait effectivement beaucoup écho à ma jeunesse au Bénin, et au fait que, et la conversation qu'on avait ce matin, Daoud, c'est-à-dire que faire du cinéma, donc c'est considéré comme une lubie, ça n'a pas d'intérêt, et par rapport à ça, il y a eu l'anecdote où je discutais avec ma mère un jour, et donc on parlait du cinéma, du fait que je voulais faire du cinéma, et elle me demandait, mais c'est quoi un réalisateur? Elle me dit, c'est quoi un réalisateur? Est-ce que c'est celui qui tient la caméra? Et je lui dis, non, ça c'est le chef opérateur, celui qui fait la lumière. Elle me dit, ah bon, d'accord, est-ce que c'est celui qui écrit le scénario alors? Je lui dis, non, pas exactement, ça c'est le scénariste, Et du coup, elle me dit, mais alors, c'est quoi le réalisateur? Et je lui dis, ben, en fait, c'est celui qui dirige les acteurs. Et elle est très surprise, elle me dit, mais ils ne connaissent pas leur texte. Ils savent pas ce que... Et je dis, oui. Et en fait, ça se résume à ça, c'est-à-dire que mine de rien, il y a des. Le, alors qu'en France, le réalisateur, la culture, c'est. Voilà, c'est sacralisé, c'est évident, mais en fait, c'est pas une idée si, si évidente que ça. Et aussi ce que tu disais sur, sur le fait que ta mère croyait que tu faisais des études de médecine. Moi, jusqu'à ce que j'ai tenté la FENIS, j'ai fait croire à mes parents que j'allais bientôt un jour faire Sciences Po ou faire autre chose, quoi. Et c'est vraiment quand j'ai voulu tenter le concours de la FENIS que j'aurais dit, bon, en fait, voilà, je vais faire cette école-là. J'ai tenté l'INSAS aussi, je ne l'ai pas eu, mais parce que c'est quand on va sur le site web, c'est ça, ça a l'air débile comme ça, mais quand on va sur le site web, c'est marqué l'une des plus grandes écoles européennes de cinéma. Donc les parents se disent, bon, bah, ok, d'accord. C'est valable pour tout le monde. Et oui, non, mais même en France aussi, c'est un réalisateur. Ouais. Mais donc, voilà, il y a beaucoup de choses que tu évoques qui font le quoi, mon expérience. Bon, merci. Merci beaucoup. Ça donne envie de voir le film. Ah oui, ça, ne manquez pas. Ne manquez pas. Alors, on va passer à Daoud Aoulatiop. Une autre génération, je peux dire. Peut-être on va changer de place. Oui. Oui. C'est oui. Comme dans les émissions d'apostrophe. Je ne sais pas si les verres ont été changés. On a dû goûter. Pardon. C'est heureusement que c'est pas autre chose. On a dû goûter. Non, il n'y a pas que nous. Il y en a un peu. Donc, Daoud est venu déjà, c'est la troisième fois, comme il l'a dit hier, qu'il vient au festival. Alors, c'est un peu pareil l'histoire du Sursus, parce qu'au départ, tu as fait des études scientifiques, oui. Et tu as même été docteur en bio, quoi, en physique et en mathématiques. Voilà, et tu as été enseignant. J'étais enseignant, j'ai aussi fait l'atelier de la FENIS. Oui. Mais moi, je suis un petit peu complètement différent du parcours de nos jeunes, là, de Michel. Parce que moi, pour moi, le cinéma, ça ne me dit rien du tout. C'est pas intéressant. Moi, j'ai découvert le cinéma à l'âge de 30 ans. Donc, c'est pas, je ne connaissais rien. C'est-à-dire, j'ai trouvé le cinéma. C'est pas moi qui ai dit, je vais être cinéaste, je vais être photographe. C'est des choses qui sont arrivées à moi. Et c'est la chance aussi qui est très importante dans la vie, qui m'a permis de continuer. Donc ça aussi, je voulais dire, c'est-à-dire moi, à la limite, c'était pour moi, cinéaste, c'est important. C'est le contraire. Donc j'ai fait j'étais scientifique, donc moi aussi j'ai de la chance de venir en France faire des études, et ça c'est une chance, c'est une opportunité extraordinaire pour nous, c'est comme tous les trois, je crois qu'on parle correctement français déjà. J'espère que vous parlez arabe. On aimerait bien. Ben oui, mais je dis, ça c'est important, nous, de voyager, d'avoir aussi cette opportunité de venir. Mais moi, je suis retourné chez moi, comme la discussion que j'ai eue ce matin avec lui, alors que je dis, c'est dommage qu'il reste ici en France. Parce que leur pays, ils ont plus besoin au Bénin de quelqu'un comme toi que la France, à la limite. Voilà. Donc, j'ai fait mes études et j'étais à la fin de présenter ma thèse, et un jour, je suis rentré par hasard dans une galerie. Moi, j'ai terminé à Nancy, parce que tu as parlé de Nancy. Et à l'époque, nous, on venait, c'est-à-dire c'était l'ouverture des galeries, peut-être c'était vendredi soir, comme ça, où les galeries s'ouvrent pour tout le monde. Et nous, à l'université, on partait dans les galeries pour boire, manger et draguer les filles, parce que c'était gratuit, nous, on vient de l'université. C'est comme ça. C'est-à-dire, on ne va pas pour regarder. Oui, dans les vernissages. C'est dans les vernissages. Voilà. Ouais. Nous, on étudiait, on n'avait pas d'argent et on profitait. Et j'arrive un jour, comme ça, avec mes amis, et je vois une expo photo et je regarde ces images, des photographies noires et blanches, très simples. Hein, donc, il n'y a pas. Et ça m'a marqué énormément. Je crois que c'était un choc. Donc, il y avait deux chocs dans ma vie. Ce premier-là, le jour où j'ai rencontré ma femme. C'est mes deux chocs que vraiment j'étais. Et j'ai dit, moi qui étais scientifique, qui était dans les équations et les nombres et les algorithmes et tout ça, et je ne lisais pas à l'époque, c'est-à-dire je ne lisais pas les romans, rien. J'étais un pur robot branché, c'est comme les jeunes de maintenant avec leur smartphone, etc. Donc j'étais connecté de ça. Et ces photos, ils m'ont impressionné. Parce que ils m'ont impressionné par leur simplicité, pas pour autre chose. C'est des photos noir et blanc, c'est des Français qui vivaient, c'est comme ici, c'est comme les gens, je me rappelle d'une image avec un pique-nique. Donc c'est des gens qui pique-niquaient au bord de, d'un fleuve, comme ça, avec leur bouteille, des choses comme ça, les amis. Et puis je dis à cet instant, ben moi je vais, ça m'intéresse de commencer à faire aussi des photos comme ça. Et le lendemain, donc j'avais rencontré une fille qui était à l'université, j'étais amoureux d'elle et tout, et puis elle était riche. Comme je dis, elle devrait acheter un bateau et tout, moi j'avais rien, je lui dis, tiens, on va cotiser pour acheter un appareil photo. Moi j'avais rien. Ce qui est devenu maintenant ma femme. Bon, c'était, ben, c'était à l'époque, hein, ah, ouais. Il me dit. Et donc j'ai acheté un appareil photo qui était à l'époque une boîte rien. C'était un Zenith, un appareil russe, il n'y avait pas de mode d'emploi. Et je commençais à apprendre à l'université. Et ce qui est très bien, j'en profitais, c'est qu'à l'université, on avait un campus où il y avait tout, le sport, la musique, là, dans tout, tout. Et puis il y avait un petit club de photographes. Et les gens qui venaient nous initier, nous, les étudiants, c'était des grands reporters, des grandes sommités, parce qu'ils sont retraités. Et au lieu de rester chez eux, ils venaient chez nous et nous apprenaient. Et c'était magnifique, parce qu'on avait des profs, mais vraiment... Puis je commençais comme ça, à pratiquer. Et 10 ou 15 ans après, lorsque je suis devenu photographe, j'ai monté une expo à Paris, l'Institut du monde arabe. Et c'était à l'époque où on a fait une expo collective. On était 3 mois le Marocain, et puis il y avait Bruno Barbet, français, Harry Gouriat, qui était belge. Et donc j'ai fait cette expo, et donc il y avait le vernissage, et le monsieur qui est arrivé pour faire ça, c'est le monsieur à qui j'ai vu ces photos la première fois que je commençais. Ah, oui. Et c'était Henri Cartier. Je me rappelle, il était venu, c'est un monsieur très, très bourgeois, très classe, c'est pas le photographe, c'est très philosophe et tout. Il est venu avec sa femme, qui était Martine Boyeux, et donc, Bruno Barbet et Arguerre, c'était les deux grands photographes. C'était l'agence Magnum qui est l'agence. Là, c'était mon rêve, pas moi rentrer à la FIMI, c'était d'être photographe à l'époque et de partir dans le monde. Et je préparais un dossier pour rentrer parce que c'est une coopérative, c'est une agence qui est très importante. Et normalement, j'avais toute la possibilité parce que je parle des Belges arabes. Malheureusement, tous les conflits du monde sont dans les pays arabes. Donc, ils avaient un Iranien qui s'appelle Abbas. Et donc, j'étais mon parrain, c'était le maître, donc je devrais. Et puis, il m'a invité ce soir chez lui. Et puis, je me rappelle très bien, il était très, très, très zen, ce monsieur. Il m'a dit, est-ce que tu bois? Je lui ai dit, oui, à cette occasion, je peux boire, même si je ne bois pas. Dieu, peut-être un peu. Et puis, donc, on a discuté, et puis il y avait un livre qu'il le cite toujours dans son parcours, que je n'ai jamais lu, je l'ai cherché partout, je ne l'ai pas trouvé. Et ça s'appelle le zen dans le tirkalak, c'est-à-dire le tirkalak dans la philosophie bouddhiste, il le compare à l'acte photographique. Et donc, moi, c'est un livre que j'ai cherché. Et puis, je lui ai parlé de ce livre-là. Elle était d'abord étonnée que je lui parle de ce livre-là, parce qu'elle croyait que je ne lis pas, je suis un photographe. Toujours cette image de quelqu'un. Et puis, je discutais avec lui, il est parti dans sa bibliothèque, il l'a sorti, il m'a dédicacé, que j'ai gardé précieusement, parce que c'est une démarche, une conception sur l'acte photographique et l'acte cinématographique aussi en même temps, parce que comme on va revenir à ça, et donc je lui ai dit, voilà, il m'a dit, oui, je sais que tu vas intégrer, j'admire ce que tu fais, etc., mais moi je te conseille de rentrer chez toi et de te faire tes photos de tes Marocains, comme ça. Ce que j'ai fait, je suis rentré, j'ai fait un livre qui s'appelle Marocain, avec qui j'ai monté une expo qui a tourné dans le monde sur les Marocains, que j'ai dédicacé tout. Et à partir de là, je suis rentré, je commençais à faire la photo. Donc, c'est-à-dire, comme je n'enseigne pas beaucoup à l'université, parce que malheureusement, nous, on était en France, on travaillait dans des labos, où on faisait de l'enseignement, une partie, mais une grande partie, on faisait de la recherche. Parce que s'il y a les moyens au Maroc, comme nous, on était à la pointe de la technologie, il n'y avait pas de moyens pour faire de la recherche. Donc, j'ai fait mes cours à l'université, mais après, j'ai un temps fou où je ne fais rien. Donc, ce temps-là, j'avais une 4L, j'ai parcouru tout le Maroc à faire des images. Ce que je garde maintenant, c'est un trésor. C'est-à-dire, parce que comme je dis hier, le Maroc, il est voulu. C'est-à-dire, mais là, j'étais vraiment là-dedans. C'est-à-dire d'archiver la mémoire. Et un jour, je me rappelle, je travaillais avec un magazine marocain, Donc j'étais journaliste, j'avais une carte de journaliste pour ça, et il y avait un grand monsieur qui est venu au Maroc, invité par l'Institut français, pour faire un atelier de scénario pour les cinéastes marocains. Et moi, j'étais déconnecté du cinéma, je ne connais rien. C'est-à-dire, j'étais... Et avec ce monsieur-là qui est arrivé, avec une dame... C'était qui, encore? Oui, bah, oui, mais attendez. Un conteur. Un cinéaste, il doit être conteur, déjà. Ouais, c'est comme nous, en Afrique, les grands, il faut être un conteur. Sans... Donc, ce monsieur-là nous a dit ça. Donc, ce monsieur-là qui est arrivé avec une dame normale, hein, normale, parce qu'on la voit, on la regarde même pas et tout, avec tous les cinéastes marocains, mes grands frères qui étaient là, et moi, je devrais un peu faire des images comme ce qu'on faisait là pour le magazine et tout. Et ce monsieur parlait tellement bien que lorsque j'ai fait mon travail, j'ai arrêté mon appareil comme ça et j'ai commencé à écouter ce monsieur-là qui parlait. Et je me rappelle, le soir, j'étais invité par le directeur de l'Institut français pour que je lui dédicasse mon livre. Parce qu'ils l'ont invité dans un dîner et tout. Il me dit, le directeur vient, j'aimerais bien lui faire. Donc je lui ai fait ce livre-là, marocain. Il l'a regardé, puis il m'a dit, mais ça, c'est une écriture, comme ça, cinématographique, est-ce que ça intéresse de faire du cinéma, ce monsieur-là? Ouais, ben, je lui ai dit, oui, pourquoi pas, mais je ne sais pas. Et puis, le directeur qui était à côté de moi, il m'a dit, mais Daoud, c'est une occasion en or. Il dit, oui. Alors, je lui ai dit, oui, mais quoi, c'est quoi ça? Il m'a dit, ben, d'abord, tu vas aller à Paris, tu vas passer 3 mois. Tu vas toucher 1000 euros par mois, tu habites dans un château de Versailles, tu es. Et donc, après, il m'a dit, mais ce monsieur-là, c'est bien. Moi, je lui ai dit, oui, d'abord 3 mois à Paris, payé, tout ça, ça ne se refuse pas. Et ben, c'était la FEMIS, et c'était la première fois qu'ils ont fait des ateliers avec des cinéastes, la première fois. Ils n'avaient pas de local, et on avait une aile dans le château de Versailles, c'était très bien. Et ce monsieur-là, c'était Jean-Claude Carrière. Et la femme avec lui, c'était Anna Chiboula. Anna Chiboula. Anna Chiboula, de Fassbinder et tout ça, qui était une beauté, aussi, moi je l'ai découvert dans les films, de Fassbinder en Lily Marine. Si je vous dis ça, c'est la magie du cinéma. Voilà une femme. Ah bah, non, tu disais que tu la regardais pas. Oui, c'est vrai. Parce qu'il avait une petite robe. Voilà, c'est ça aussi la magie du cinéma. Après, j'ai rencontré des grandes actrices. Elles sont normales. Mais la magie du cinéma, le maquillage, l'éclairage, la lumière, la présence, et tout ça, ça fait quelque chose de plus. Et puis voilà, donc j'étais, donc je suis revenu. Je rencontrais un des plus grands cinéastes africains, mais malheureusement, il a fait un seul film. Et aujourd'hui, je suis très content parce que mes deux jeunes, ils ont parlé de Djibril Diop Mambéty, qui est un immense, hein, et de Sabine Ousmane. Donc ça me fait plaisir, parce que parfois, on va citer des grands cinéastes de l'extérieur de l'Afrique, il y en a beaucoup, mais on ne cite jamais les cinéastes africains. Or, il y en a des grands. Et parmi ces grands-là, moi, mon professeur de cinéma qui m'a donné, ça s'appelle Ahmed Bouenani, et qui a fait un petit aussi, il a fait l'IDEC à l'époque, et il a fait un film qui est pour moi un chef-d'œuvre du cinéma, et ça s'appelle Mirage, en arabe, ça s'appelle As-Sarab. Et c'est un très beau film, et donc c'est un monsieur qui écrivait, un poète. Et puis, c'est avec lui que j'ai fait tous mes films, et après on a commencé à faire des films, jusqu'à maintenant. Mais. Donc je crois que j'ai parlé un peu de parcours. Et je dis que c'est-à-dire moi je suis entre guillemets, je dis aux gens toujours les écoles, c'est très bien, parce qu'on a cité l'ASAS, la FEMIS, des grandes écoles comme ça. C'est bien une école, mais l'école, ça ne donne pas des cinéastes. Une école, ça te donne les outils pour travailler. Ça vous donne les outils et ça vous comprime le temps. Et ça vous donne un carnet d'adresse, comme j'ai dit, lorsqu'on est sorti d'une grande école. Mais ça ne veut pas dire que c'est la pratique et c'est de voir les films qui est très important. Je dis aux jeunes, là, c'est de voir les films. Ça, c'est la meilleure école. Moi, je dis, à la limite, regardez les films, achetez une petite caméra, comme c'est le petit appareil que j'ai, qui est un robot, un petit appareil, on ne dit rien, mais c'est de faire des grands films avec ça. Donc ça part. Maintenant, ça devient facile, pas comme avant. Oui. Il n'y a plus de cette manière de cinéaste comme avant. Maintenant, tout le monde peut faire des films, mais moi, je vois parfois des films faits par des gens qui n'ont rien avec le cinéma. Mais c'est même, il y a de l'émotion et tout. Donc ça aussi, il faut mettre ça dans la tête. Bon, alors, On va venir au sujet que tu veux, dont tu veux parler. Oui. Donc, tu as annoncé hier que, puisque on avait un peu trop mis en avant que tu étais photographe d'origine. Bah, je suis toujours photographe. Tu es toujours photographe. Oui. Et que ce film dans le désert, qui n'est pas un film sur le désert, mais en même temps qui est un film dans vraiment le désert, où le désert est omniprésent et s'impose et détermine aussi toute l'histoire. Mm-hmm. Et donc, comme je crois que c'était Olivier qui avait commencé à dire que c'est un film où on sent que tu as une expérience de la photographie, et que moi j'ai aussi parlé de photographie, donc tu t'es révélé en disant il ne faut pas déconner, tu as dit ça. Et je souhaiterais un peu parler de ce qu'est l'image cinématographique et l'image photographique. Alors vas-y. Oui, moi la semaine dernière, il y avait un colloque au Maroc, j'ai écrit un texte sur ça, sur l'image fixe et l'image animée. Parce que je suis revenu à, quand on prend un dictionnaire, on regarde ce que ça veut dire le cinéma, la première définition, c'est l'écriture avec de l'image et du son. Et de l'image animée et du son. Mais l'image animée, ce n'est pas l'image qui bouge. C'est-à-dire, c'est ça. C'est-à-dire, nous, on a l'habitude, c'est-à-dire, surtout maintenant, avec un cinéma américain, où ça va trop vite, ou avec les clips, avec maintenant les réseaux spéciaux. On a toujours maintenant envahi par ce cinéma-là. Moi, je vois parfois des clips ou des choses ou des pubs où je n'arrive même pas à voir le photo. Je n'ai même pas le temps. Donc, parce que c'est comme ça. Or, le cinéma, à l'époque, ce n'était pas du tout ça. C'est-à-dire, le cinéma, comme ce qu'il a dit, c'est de poser un cadre et de créer le mouvement. Parce que c'est ça, le mouvement. Ce n'est pas le mouvement des outils du cinéma. Ce n'est pas la grue, ce n'est pas le steadicam, ce n'est pas des choses comme ça. C'est pas... mais en tout cas, moi, c'est mon cinéma que je préfère. Donc, je parle de mon cas. C'est le cinéma à l'intérieur du cadre. C'est-à-dire, on peut mettre comme dans mon film hier, c'est ça ce que j'ai fait. Ça, je peux revenir pourquoi j'ai fait ce film-là et pourquoi j'ai pris ce point de vue, parce que je veux créer le mouvement dans le cadre et non pas le cadre qui bouge en fonction de ce qui suit. Donc, cette image fixe, c'est pas parce que l'appareil ne bouge pas. C'est-à-dire, le mouvement et le plan et la succession des plans, elle est dans le même cadre. Et aussi, nous, on a dans le cinéma l'outil du montage, parce qu'avec le montage, même des plans fixes, ça peut rendre animé. Donc ça me fait plaisir, parce que là, on parle de langue de cinéma. Donc ça, on ne parle plus d'histoire, et on est entré dans le langage cinématographique. Mais ça, c'est un choix. C'est-à-dire que moi, peut-être que la beauté, c'est pas moi qui ai créé ça, moi, je trouve comme ici. Hier, je me suis perdu la nuit, je suis sorti du bassin de semaine, je me suis perdu à 1h du matin, ici, je n'ai pas trouvé l'hôtel. Mais c'est extraordinaire. J'ai dit mort, il n'y a rien. Et le calme. Il fait froid. Et je commençais à tourner là. Et à un moment, je suis arrêté, j'ai dit, mais si j'avais une caméra. Oui, absolument. C'est magnifique. Et je suis en train, et je cherche quelqu'un pour m'indiquer, où je n'ai pas d'adresse. Je dis, ça, des moments cinématographiques pour moi, je trouve que c'est extra. Je dis, comme ici, pourquoi? Parce que c'est beau. Je dis, la beauté, parce que peut-être que nous, avec l'habitude, on ne voit pas beaucoup de choses. Peut-être que nous, comme on avait toujours un outil avec nous, on essaye de regarder, on force notre œil à regarder. Parce que, je ne sais pas, moi, j'ai trouvé que c'est beau. C'est comme le désert, c'est magnifique. Moi, parfois, je dis, il faut poser la caméra, appuyer, partir, laisser tourner. C'est magique, comme on dit. Et donc, comme peut-être que moi, je pratique ça, le film, peut-être, les gens, ils ont plus regardé la forme plutôt que le fond. Donc ça aussi, c'est un risque. Et je dis qu'il y a de très grands photographes, immenses photographes, immenses cinéastes qui sont des photographes. Et j'ai cité, il y en a plein, je vous cite une dizaine, de Stanley Kubrick, de Jerry Schatzberg, de Wilander, de Agnès Varda. Tout ça, d'abord, c'était des photographes, avant d'être cinéastes. Donc, le cinéma, on peut venir de la photographie, on peut venir de la peinture, on peut venir de n'importe, on peut devenir de rien, même de littérature ou de rien. Donc, mais chacun, il a quelque chose, il a, peut-être que nous, comme on vient de l'image, peut-être on a plutôt ce côté formel qu'on peut maîtriser avant le fond. Je pense que les gens qui venaient de la littérature ou de la philosophie, ils vont axer plus sur le fond, sur l'histoire, que sur la forme. Et là aussi, c'est un grand débat entre la forme et le fond. Est-ce que je vais raconter une histoire? Est-ce que le cinéma, c'est de raconter une histoire? Parce que moi, je vois beaucoup dans les débats, en général, je dis dans les débats, et non, on ne parle jamais du cinéma. on parle du film. Mmh. Et ça, les gens pour les films, c'est l'histoire. C'est jamais, on ne parle jamais ni du montage, ni du cadrage, ni du costume. C'est toujours l'histoire, qu'est-ce qui se passe, problème de femme, problème d'homme, problème de divorce. Mais jamais, c'est rare qu'on entame une discussion sur le langage du film, parce que le cinéma, ce n'est pas que l'histoire. L'histoire, c'est un prétexte pour faire un film. En tout cas, ça c'est le point de vue, c'est pas le point de vue de tout le monde, heureusement. C'est le grand débat. Est-ce que parfois on dit le cinéma c'est la crise du scénario, et le scénario, comme ce qu'il a dit ta maman, c'est une partie du cinéma, c'est pas tout. Il y a le tournage, il y a le montage, il y a le comédien, il y a beaucoup de choses. À la limite, raconter une histoire, moi dans mon cinéma ça m'intéresse pas, sincèrement, c'est-à-dire en plus, de plus en plus. Tu as eu cette discussion avec Jean-Claude Carrière? Avec Jean-Claude Carrière, non, parce que Jean-Claude Carrière, il a écrit, parce qu'à la FEMIS, il y a toute une série de livres que je vous conseille de lire, parce que c'est des petits livrets qui sont adressés pour les étudiants, et que c'est des grandes personnes qui parlent. Et Jean-Claude Carrière, donc un immense scénariste qui a travaillé avec Buñuel, qui a fait, il a dit, c'est bien de connaître l'histoire, de bien de connaître la dramaturgie. Et la dramaturgie existait depuis, comme j'ai dit, depuis Aristote. Donc c'est la même chose. Voilà, donc, mais il faut l'oublier. Bah, ça, c'est extraordinaire. On n'a pas dit qu'il ne faut pas la connaître. Il faut la connaître, mais à la limite, l'oublier. Et les grands films qu'on voit maintenant, c'est les films qui ont cassé la dramaturgie. On voit des grands films, peut-être qu'ils créent un débat en général, mais c'est des films avec un point de vue, c'est intéressant. Moi, je n'ai pas encore la chance de faire un film comme ça, comme j'ai discuté avec mon ami, parce que nous, au Maroc, on a l'avance sur recette comme la France. Et donc, on a de l'argent, mais malheureusement, cet argent, comme c'est donné par l'État, il a un point de vue. Parce que c'est ça, le cinéma, il faut qu'il soit libre et indépendant. Et donc, on a une commission qui regarde des scénarios et qui juge est-ce que ces scénarios, on peut leur donner de l'argent ou pas. Donc, c'est-à-dire, on n'est plus dans la création. On est au détriment de... Et moi, ce film-là, parce que ça fait 5-6 ans que je ne suis pas venu ici. J'ai fait mon dernier film, c'était La Mosquée, que j'ai fait autre chose. Et celui-là, donc, chaque fois que je présente un projet, avec un point de vue différent, ce qui est normal, ce qui m'intéresse, eh ben, je n'ai pas d'argent. Et pourtant, j'en ai fait des grands films. En tout cas, des grands films, entre pas. Des films qui ont eu un succès fou, je me rappelle. Donc, ça veut dire que je suis légitime d'avoir de l'argent aussi, comme tout le monde. Et donc, j'ai dit, tiens, à chaque fois que je suis devant la commission, ils ne me parlent pas de sujet, parce que peut-être aussi il y a quelque chose qui ça dérange les gens. Donc, ils me disent, oui, il y a ça. Et j'ai dit, tiens, pour un peu avoir de l'argent, ben, je vais écrire une histoire qui va plaire aussi de commission. Et c'était comme ça, j'étais un peu tricheur. Donc j'ai écrit Les Voix du désert, où il y a le désert, où il y a les gens, où il y a la poésie, où il y a rien. Bon, j'ai eu l'argent. Mais une fois que j'ai l'argent, je suis piégé. Alors comment je vais faire un film que je ne porte pas à 100% dans ma tête? Je l'ai fait pour avoir une, pour travailler. Vous voyez, donc là, j'ai mis beaucoup de temps pour essayer de trouver quelque chose que, à la fois, ça peut plaire à la commission, qui m'a donné de l'argent parce que sinon, ils vont me l'enlever. Et à moi, pour dire au moins, je peux faire quelque chose d'intéressant. Et donc, c'est la discussion que je dis maintenant. Je dis maintenant, à la limite, parce que nous, on est parmi les rares pays africains, on a de l'argent pour le cinéma. Mmh. On a beaucoup, on fait maintenant qu'on a une politique cinématographique. Mais pas une politique de création cinématographique. C'est-à-dire, on fait beaucoup de films, mais lorsque je vois dans d'autres pays, ils font deux, trois films excellents. Et même nous, au Maroc, les films... que moi j'aime bien, c'est des films presque indépendants. Il y en a une bonne vingtaine chaque année. Cette année, on a fait presque 30 longs-métrages. Mais la quantité est liée. Ouais. Mais, et on a fait aussi au moins 30 documentaires, parce que aussi on a un fonds maintenant qu'on a créé pour le documentaire, mais documentaire un peu particulier. Je ne vais pas rentrer là, parce que c'est de la politique. Je dis, c'est bien, moi je dis, c'est très bien d'avoir cet argent-là pour que les techniciens travaillent. Nous, on a le cinéma aussi, c'est de l'industrie, parce que ça, c'est de l'industrie et de l'art. Mais c'est beaucoup d'industrie. L'argent, on l'a mis pour l'industrie, pas pour l'art. Et donc, ça permet aux techniciens de travailler, aux comédiens. On a beaucoup de films qui se tournent au Maroc, des films américains, français, européens. Et donc, ça, c'est très bien. Mais je dis maintenant, il faut garder cet argent-là. Il y a des écoles aussi, maintenant. Il a plusieurs écoles très intéressantes. On a même une école de cinéma importante, de l'État, équivalent de la FEMIS, voilà. Donc nous, on a fait un mélange entre la SAS et la FEMIS. On a mis les deux. Donc on a créé cette école. Donc tout ça, c'est très bien. Mais je dis aussi, il faut garder un cinéma indépendant qui peut s'exprimer et qui peut aussi être en parallèle. Bon, écoute, merci déjà, c'est pas fini. Hein. Alors, il y a des questions un peu sur le film, si on ose poser des questions. sur le contenu ou sur la forme. Sur l'histoire. Alors, je crois que tu as... Oui. Oui, j'ai une question par rapport à la présence dans pas mal de plans de l'arrivée de la voiture. Comment tu as fait ça, l'opposition entre ce beauté du désert et cette arrivée un petit peu de la... Alors, la voiture, il n'y en a pas beaucoup. Il y a, je crois, il y a trois séquences où il y a la voiture. Il y a une voiture au départ, mais ça, c'est aussi quelque chose que j'aime bien, moi. Parce que moi, j'ai dit dans ce film-là, ça, c'est une question qu'on pose toujours, est-ce que filmer toujours les gens qui parlent ? Est-ce qu'on est obligé, si on voit le cinéma américain, c'est toujours les gens qui parlent qu'on voit dans l'écran ? Oui, voilà. Donc ça, je vais revenir à Ogoda, parce que c'est ça. Parce que regarde, Ogoda, il a dit, le cinéma, c'est invisible. Pas visible. Et c'est ça ce que j'aime. Je dis, c'est à partir de là, je dis, je vais filmer des gens, je vais essayer, hein, parce que c'est toujours, on essaye, hein, ça peut marcher, ça peut marcher. Et dans la voiture, au départ, lorsqu'on voit ce monsieur lorsqu'il arrive dans le village, là, vers le début du film, on voit un petit scarabée qui passe, et puis on voit la voiture qui passe. Et ben, les gens, moi je pose toujours la question, ça c'est Hitchcock qui a dit ça, a fait dans les entretiens avec Truffaut, il a dit, moi, lorsque je fais mes films, d'abord, je pose la question, qu'est-ce que les gens attendaient ? Donc, si je me mets à la place du spectateur, qu'est-ce qu'ils attendent de moi ? Et moi, c'est-à-dire Hitchcock, lui, il dit, eh bien, ce que je ne fais pas. Donc, j'ai essayé de faire autre chose. Moi, j'ai pas... Ça, je vais appliquer à cette séquence. Je dis, eh bien, une voiture qui arrive, qu'est-ce que je vais mettre la caméra, je vois la voiture qui arrive. Il s'arrête. Il y a le chauffeur qui va sortir. Où il va parler avec le monsieur qui arrive. Donc je vais même changer d'axe. Je vais prendre ma caméra et je vais passer à un autre plan. Et donc je vais mettre un plan avec le monsieur qui va dire au chauffeur où tu vas, où vous allez. Il va lui dire oui, mais je vais aller t'en mettre. Il va dire monte. Il va monter. Je coupe. Je mets la caméra à l'intérieur. Est-ce que vous suivez ? Oui. Ça, c'est le site. Moi, j'ai fait des films à la télé. J'en ai fait beaucoup. Et bien, c'est comme ça que j'ai fait pour la télé. Parce que les gens qui nous donnent de l'argent à la télé nous disent. Ça va pour tout le monde. Donc, il faut leur expliquer. Donc, il faut les guider. Là, je viens juste d'avoir 4 films pour la télé. Je suis heureux. Donc, ça me permet de gagner de l'argent pour faire les films que je n'ai que à moi. Et donc, c'est ça. Donc, c'est des découpages que je ne veux pas faire, moi. Alors, parce que je peux le faire. C'est rien du tout, ça. Et après, je vais mettre le monsieur, un champ contre champ, entre le monsieur qui lui pose des questions et tout. Et là, je vais terminer par un plan large, où je vois la voiture arriver au village. Ça fait 10 plans, ça va prendre une journée, et c'est ça. Alors que moi, j'ai mis la caméra sur le paysage, je l'ai mis sur le capot, et on ne voit pas la voiture. Et on ne voit rien, ni voiture, ni personne, ni rien. Et on voit la voiture qui part, qui revient, on entend le son, parce que pardon. Voilà. Et ça, c'est aussi, c'est le son. Le cinéma, il n'y a pas que l'image. Le cinéma, c'est 60% le son représente 60% du cinéma, et ça c'est Robert Bresson qui l'a dit, lorsqu'on va voir les films de Robert Bresson ou du Tati, c'est le son qui est le plus important, c'est pas l'image à la limite. Et le son, et surtout le son off, tout ce qu'on entend. Et là on entend, on imagine, c'est-à-dire on va imaginer que le monsieur ouvre le capot, met le sac, ferme, vient, ouvre la porte, monte, la voiture démarre, et tout ça, on le voit pas. Mais moi je pense qu'on le sent. Et ça fait un plan, et je trouve que c'est intéressant. Et alors, hier, je mentionnais le plan dans l'autobus. Oui, exact. Qui se trouve absolument hitchcockien. Hein, oui. Parce que il crée le suspense à l'intérieur même de ton histoire. C'est formidable. Alors, ceux qui ont vu le film... C'est vers la fin, là. Voilà. Oui, c'est quand il est seul dans le bus et que la femme revient et lui parle. Et c'est le son qui compte. C'est est-ce que le moteur va démarrer ou pas. Voilà, et on entend tout si ça. Si le moteur démarre, tout le monde va remonter dans le car et la discussion s'arrêtera. Or, il n'a pas envie de parler à la femme. Et ça se déroule comme ça pendant 2 minutes. Oui. C'est formidable. 3 minutes. Ça, c'est un exercice que j'ai donné à mes étudiants dans une école, on a une école au Maroc, à Marrakech, qui est une grande école, qui est en partenariat avec l'ANSAS, où les gens font l'école, et je leur donnais un exercice, cette scène-là, sur le script, je lui ai donné la scène exactement, voilà un monsieur avec une amoureuse, et qui vient pour lui déclamer tout son amour à lui, alors que lui il est absent, il est ailleurs, voilà, et il va lui dire tout ce qu'il a sur le cœur, tout ce qu'il porte, et tout. Et ils sont dans un bus. Comment vous allez visualiser ça? Donc, ça, c'est un exercice. Eh bien, je trouvais, j'avais 15 étudiants, et c'était vraiment la fin. Eh bien, on avait 15 films. Mais personne n'a fait un seul plan. Personne. Alors que là, moi, j'ai dit, eh bien, pourquoi pas ne pas faire un plan? Et ça marche. Je trouve que... Oui. Voilà. C'est l'économie, mais ça demande... Moi, c'est le cinéma qui m'intéresse maintenant. Ou les films qui m'intéressent, à la limite, c'est un film qui va m'amener plus de choses, un peu différent, un point de vue, le sens, à la limite, plus que l'histoire. Voilà. Et ça, c'est moi, avant, pour la télé, je raconte des histoires. J'ai fait des comédies, se marre. Mais ben, voilà. Donc, c'est un choix. Le bruit du moteur, c'est comme la ponctuation dans une phrase. Exactement. Et ça fait juste. Qui vous permet d'avoir un seul plan. Voilà. Et c'est juste sur le mot où il va lui dire chaque fois qu'il va dire vraiment quelque chose d'intéressant, le chauffeur monte pour redémarrer le bus qui est tombé en panne et qu'on ne le voit pas. Et là, il s'arrête parce qu'il ne peut pas parler devant le chauffeur parce qu'il lui dit quelque chose quand même intime. Et après, il s'arrête. Et puis, voilà. Mais tout ça, ce n'est pas moi qui l'ai imaginé parce que je suis nourri par un cinéma. C'est-à-dire, comme. Ça aussi, c'est important. Comme moi, je n'ai pas vu de film avant, j'ai découvert tard le cinéma, et je dis qu'il ne me reste pas beaucoup de temps, j'ai essayé de voir plus de films. Et c'est vrai, ça, ce que je fais ça, ce n'est pas moi qui ai inventé ça. Ça existe dans tous les films du monde. C'est-à-dire, il faut voir, et puis on est nourri. On est nourri, et puis on essaye de faire autre chose. Et c'est ça ce que je travaille sur mon projet prochain, c'est ça. Dans le projet prochain, je vais bien qu'il y aura... Dis un peu, parce que c'est pour faire venir les gens. L'année prochaine. Oui, c'est ça. Ah, ben ça, c'est bien. C'est comme à la télévision, ils m'ont donné 4 films. Ils m'ont dit, à la fin de chaque film, il faut annoncer le second. Donc, je vais faire une partie. Voilà. Non, moi, j'ai dit, ça aussi, c'est comme nous tous. C'est-à-dire, moi, je nous raconte. C'est-à-dire, je reçois des scripts, des scénarios, mais à la limite, je raconte ce que j'ai envie de dire. C'est-à-dire, moi, je trouve que les histoires, on sort, on a une histoire qui passe là. Donc, on n'a pas besoin d'avoir des problématiques de maintenant, c'est-à-dire que parfois moi je raconte ce que je vis et là lorsque j'ai fait ce film-là comme j'ai fait La Mosquée en attendant Pasolini, j'ai raconté toujours qu'un film ramène un autre. Donc j'ai fait ce film-là, donc je vais tourner dans le désert où il n'y a rien, dans une auberge qui est tenue par un Belge où il n'y a personne, on était là, on était une équipe à travailler, et un jour, donc nous on a passé 6 semaines là-dedans, et un jour, un matin, de bonne heure, je vois un bus qui arrive à l'auberge. Alors qu'on n'a jamais vu de bus, il n'y a personne. On voit que les gens avec les chameaux qui passent et tout. Et donc, le matin, nous, on sort à 5 heures du matin pour aller tourner, parce qu'on tourne à 10 km, comme ça, et je vois un bus qui arrive. Et dans le bus, je vois des gens qui descendaient, des gens non-voyants, des aveugles. Des gens. Et chaque... C'est un bus avec des aveugles, que des aveugles. Et chaque non-voyant, il est accompagné par un guide, par quelqu'un qui est voyant. Et ils ont descendu dans le bus. Puis moi, j'ai dit, attends, qu'est-ce qu'il vient voir ça? Je suis curieux. Et toute la journée, en tournant, je pensais à ça. Je lui dis, qu'est-ce qu'il vient? Et puis le soir, lorsque nous, on est rentrés, on est en train de dîner, il y avait le directeur de l'auberge, je lui dis, mais les gens là, qui sont là à côté, parce que nous, on était dans un salon, à côté, qu'est-ce qu'ils font? Il m'a dit, ça, c'est des gens suisses, parce qu'il a un partenariat avec ces gens-là. Et donc, c'est une association suisse que, 2 fois par an, il envoie des non-voyants pour faire un trekking ou une marche à travers le désert. Parce que là où j'ai tourné, il y a un très beau lac, ça s'appelle le lac bleu, où ils partent 3 jours, soit à dos de chameau, soit à pied, et puis 3 jours de retour. Donc, c'est un circuit de 6 jours. Moi, j'ai trouvé, j'ai trouvé jusqu'à là quelconque, des gens qui viennent, voyant, non voyant, ils vont partir. Puis Puis ce qu'il m'a dit, ce qui est le plus important, qui m'a un peu excité, il m'a dit, mais lorsqu'ils terminent leur voyage, leur trekking, le soir, ils font un dîner et chacun va parler de ce qu'il a vu dans le désert. Ah, j'ai trouvé, c'est extraordinaire. Moi, voir avec les... Parce que pour moi, tu sors voir avec les yeux. Alors que lorsque j'ai commencé à faire des recherches, ouais, on va avec le cœur, on ne va pas avec les yeux. Voilà. Et surtout le cœur qui va transmettre tout ça. Et j'ai trouvé extraordinaire, et c'est là où j'ai écrit, je suis en train d'écrire un film sur ça. Voilà l'idée. Voilà. Ça va être. Voilà. C'est le point de départ. Voilà. Donc ça, c'est. Mais j'espère que je trouve pas l'argent, parce que si je ne trouve pas l'argent, je vais faire un autre film. La télé. Non, la télé, c'est bien la télé. Parce que la télé, c'est très bien la télé, ça je vous le dis. Parce que ça fait de la pratique. Parce que la télé, un cinéaste, c'est comme un sportif. S'il ne travaille pas tout le temps, moi je ne vois mal. Moi j'ai des amis écrivains ou peintres comme ça, ils travaillent tous les jours. Un écrivain, il écrit tous les jours. C'est pas qu'il écrit utile, mais il passe 6 mois à écrire. Si on ne travaille pas tout le temps, ça ne marche pas. Et pour nous, la télé, c'est bien parce que ça nous fait pratiquer. Ça, on entend les moteurs des caméras, on maquille les comédiens, on voit les lumières, au moins, on vit et puis en plus, on gagne de l'argent. Donc c'est très bien. Voilà. Donc c'est important. Bon, on s'arrête là? Eh bien, pourquoi vous n'avez pas de vous donner des questions? Je ne donne pas. Eh bien, si. Moi, j'aimerais bien aussi avoir des questions. Pas que... Mais t'as eu. Bah, oui. Alors, voilà. Il y a des questions. Oui. Voilà. Moi, par rapport à la voiture, parce que cet homme vénérable, ce vieillard, il me semble avoir un niveau de vie assez modeste. Oui. Parce qu'il vend à l'orée du désert des céramiques. Et il y a quelque chose qui me gêne un peu, moi, c'est ce gros 4x4 là, assez rutilant. Et donc, il peut avoir un gros 4x4, parce qu'ici, des gros 4x4, c'est les gens riches. C'est d'un niveau de vie. Oui, mais... Et en plus, ils n'ont pas besoin de 4x4. Alors, je sais est-ce que vous connaissez un petit des 4x4 Oui. Est-ce que vous connaissez les 4x4? Je ne sais pas. Le 4x4 que vous voyez dans le film, c'est un vieux Toyota qui n'existe plus. Oui, c'est un vieux en Afrique, on a des Land Rover, et on a des 4x4. Et on a des Peugeot, on voit aussi un taxi plus 504 avec un vrai. Oui, parce que ça paraît à 4x4 rutilant. Oui, il n'est pas rutilant, il est vieux. Il a été lavé pour le film. Non, il n'est pas là, il est vieux. Et c'est vrai, maintenant, il y a même des gens, parce qu'avant, les immigrés, les gens ramenaient des voitures de l'Europe. Et bien maintenant, on fait le sens contraire, parce que toutes les vieilles voitures vintage comme ça, maintenant, c'est des Européens qui viennent chercher au Maroc des vieux taxis Mercedes 214 ou les 504 ou les 604, et maintenant ils le remettent. Je me suis fait voler ici. Voilà. Et ça, c'est des. Bien sûr, le 4x4, c'est les voitures du désert. Le désert, on ne peut pas rouler comme ça, parce que voilà. Mais c'est pas rutilant, parce que. Non, mais c'est une nécessité. Ce modèle-là, c'est un Toyota. Je crois que c'est un Land Cruiser, il datait de 40 ans, ce modèle. Oui, parce qu'il a l'air. Non, parce que vous le voyez dans le cadre du désert. Voilà. C'est ça aussi. Je fais de la publicité, mais je n'ai pas touché d'argent. Oui, il y a de l'argent à ça. Bon, une question. Je voulais savoir quel regard vous portez sur le jeune cinéma marocain, que j'aime beaucoup. Vous avez de grands cinéastes, comme Leïla Kirine, Saïd Amiche. Saïd Amiche. Oui, Leïla Kirine n'est pas jeune. Hein. Ça fait longtemps qu'elle fait du cinéma. C'est comme moi, elle me dit que je suis jeune cinéaste. Je suis pas jeune cinéaste. Non, mais je dis c'est très intéressant. Ah, oui. J'aime beaucoup ce que vous faites. Oui, mais là, vous m'avez cité des gens bien. Parce que nous, on a beaucoup d'arrivées. On a peut-être, je me rappelle, on a maintenant 500 ou 600 réalisateurs marocains. Donc, oui. En tout cas, les cinéastes qui s'exportent et qui se passent dans les festivals, ce sont oui, mais ça, c'est bien et pas bien, parce qu'on a des festivals qui ont beaucoup de talent, mais ils ne s'exportent pas parce qu'ils font des films pour les Marocains. Parce que nous, c'est toujours, nous les Maghrébins, je dis les Maghrébins, c'est toujours on fait des films parce qu'on a peut-être, comme on était éduqués, on connaît un cinéma aussi, ce qui se passe et tout ça, on essaie aussi d'avoir ce regard-là. J'ai discuté avec mon ami, ces films-là en Maroc, ils ne font pas d'entrée. C'est-à-dire les films qui s'exportent à Venise ou à Cannes, ils ne font pas d'entrée. Moi, j'ai fait un film qui a beaucoup marché, La Mosquée, il a fait 9 000 entrées au Maroc. Alors que j'ai fait la télévision, j'en ai à 6 millions de spectateurs. Vous voyez la différence. Ces films-là, ils ne se voient pas beaucoup. Mais donc, que regard a... portez-vous sur cette chaîne cinématographique? Non, très, très rapidement, parce dans, que dans la chaîne cinématographique, il y a du tout. C'est-à-dire, il y a des jeunes qui sont talentueux, comme ce que vous m'avez cité. Il y a des gens qui sont moyens, il y a des gens qui sont nuls. C'est-à-dire, on n'a pas, on ne va pas dire. Il n'y a pas encore. On n'a pas. On dit toujours, est-ce qu'il y a un cinéma marocain? Moi, je n'aime pas ce mot-là, cinéma marocain. On a un cinéma qui est fait par des réalisateurs marocains. Mais le cinéma au Maroc, il est diversifié. On a du tout. On a du film commercial qui fait. On a fait un film là qui s'appelle Corsa. Il a fait 600 000 entrées. 600 000. Au Maroc, oui. On fait des films comme ça. On a fait aussi un film qui s'appelle Hench. Il a fait aussi 500 000, 600 000. Mais on a fait aussi d'autres films. On a fait un film qui était à Berlin. Il a fait peut-être même pas 10 000 entrées. Donc, vous voyez, donc on a entre les deux, on a beaucoup, un grand éventail de tout. Voilà. Et ça, c'est notre débat, malheureusement, qu'on a avec le fonds de soutien à l'invention recette marocaine. Il y a un grand débat. Est-ce qu'on donne l'argent de l'État, parce que c'est l'argent de l'État, on le donne à un film commercial qui vont faire rentrer les gens, ou on va leur donner à des gens qui vont montrer leur film ailleurs? Donc ça, c'est le grand débat. Voilà, bon, merci. Et ben, merci. Ben, oui, merci.